Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéo Top. Aujourd'hui, une comédie américaine. Ancien champion de ping-pong, Randy Daytona est recruté par le FBI pour infiltrer une compétition mondiale secrète. Sa mission ? Affronter Feng, l'un des criminels les plus recherchés de la planète, qui est aussi l'assassin de son père. Le monde de la pègre organise un tournoi mortel. Beaucoup y prennent part, mais un seul en réchappe. Il s'appelle Monsieur Feng. Fait quelques pas, ça va passer. Nous avons des raisons de penser qu'il est sur le point de faire entrer des marchandises importantes aux États-Unis. Seul un homme est assez gonflé pour l'abattre. Vous voulez que je fasse quoi dans votre histoire ? C'est pourquoi vous êtes né. Feng est un fou de ping-pong. Vous êtes notre ticket d'entrée. Ping-pong, ou comme disent les Chinois, ping-pong. Mais cela va lui demander du courage. Bon, pour commencer, nous avons Randy Daytona contre le marteau. J'espère que ta grand-mère s'est pas garée loin. De l'adresse. C'est ma nièce. C'est elle qui va te donner un coup de main pour rentrer demain. Ça donne une toute autre signification à la brunette. Et de l'entraînement. J'explose les mouches à la tapette maintenant ? Tu tapes pas mouche. Tu tapes abeille. Le sort du monde repose sur une seule balle. D'un seul homme. Ouais. Vous l'avez tué ? Ben oui, j'avais dit par élimination directe, c'était pas assez clair. Balle de feu, une comédie avec Christopher Walken, un DVD métropolitain.